Témoigne, mon frère. Éphésiens chapitre 5, le verset 3 nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, amen. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien mon frère. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Ouais, tu as bien dormi, n'est-ce pas? J'ai bien dormi, mon frère. C'est toujours le... fait des nuits, je dors pas, oui. Mais j'ai bien dormi. Amen. C'est toujours le et combat, tout. Toujours le combat avec les ténèbres. Chaque fois qu'on veut ouvrir la bouche pour dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est toujours comme ça. Amen, c'est ça. Alors, allons-y maintenant. La Bible déclare là-bas qu'aucune impudicité, une impurité ne sera même pas nommée parmi les saints. Oui, frère. Déjà, pour commencer, je peux te dire que le Seigneur m'a délivré vraiment de l'impudicité. Oui. Même dans le mariage, ça fait un an et demi déjà, quand j'ai commencé à connaître la vérité, oui. À écouter les enseignements. Dès que j'ai reçu la vérité, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de tout. Parce que je n'ai même pas résisté. Mon mari était déjà en Afrique. Donc, je me suis répandu, j'ai pleuré au pied du Seigneur de toutes les abominations sexuelles. De ma vie sexuelle passée. Et j'ai renoncé à tout. Et ça, par rapport à mon mari, il y a voilà quelque chose. C'est que je n'ai pas peur de la persécution si je dois obéir à mon Seigneur, à mon Dieu. Oui. Mais j'ai plutôt peur de désobéir au Seigneur, de ne pas rester dans la volonté du Seigneur par rapport à la soumission à mon mari. C'est ça la limite des fois. C'est ça, des fois, quand je parle ou comment je dois témoigner, c'est ça, je ne maîtrise pas encore bien, c'est tout. Mais je n'ai pas peur de la persécution. J'ai dit non aux ténèbres, et même devant mon mari, j'ai dit non, et j'ai tenu, je tiens ferme jusqu'à maintenant. Faisons confiance au Seigneur, d'accord, qu'il va te guider. Que le Saint-Esprit t'utilise et utilise ta langue et ta bouche comme il le veut. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, ça fait un an et demi. Je vis dans la sainteté, je me sanctifie, avec, dans mon couple. Oui, alors commençons par le commencement. Comme toute jeune, comme toute jeune fille, tu es belle, vraiment belle, d'une bonne famille, enfant chéri de son papa, très aimé de son papa, au détriment même de la maman. Tu as eu certainement des grandes choses à faire dans l'impudicité, même depuis l'enfance. Allons-y. Voilà, c'est ça. Même depuis l'enfance, je ne sais pas. Jusque là, je me suis toujours posé des questions. Mais comment et à quel moment je pouvais avoir les idées qui me passaient par la tête et les choses que je faisais? À 3 ans, ma première expérience, je n'oublierai jamais, j'avais 3 ans. On était dans une maison, dans une cour commune, dans une maison, il y a plein d'appartements loués. Mon père était tout jeune, en service. Voilà, j'étais l'aîné, j'avais 3 ans. J'avais un petit frère qui venait de naître, je crois, je ne sais pas s'il était déjà né, je ne sais plus trop. Mais l'expérience là m'a marqué, j'avais 3 ans. Et il y avait donc dans la cour, dans la grande maison, là, il y avait voilà, d'autres familles aussi. Il y avait un petit garçon, voilà, d'à peu près mon âge, peut-être il était un peu plus grand que moi, je me rappelle plus trop. Mais je me rappelle que comme voilà, on fait souvent là, on nous attribuait, ah c'est mon mari, ah c'est la femme de ici, ah c'est le mari, les parents nous attribuaient les uns aux autres. Même étant enfant comme ça. Oui, les mamans, souvent chez nous, les mamans disent, viens, c'est la fille de mon, il va voir le petit garçon, les parents présentent entre eux. Ils se parlent, ma maman peut dire à l'autre, ah c'est le mari de mon mari, hein. Et là, l'autre maman aussi, c'est la fille de mon mari. Ouais, c'est la femme de mon fils. Hein. Et on a grandi dans cette rue, dans la famille, dans les entourages comme ça. Ou bien un monsieur tout le temps l'a dit, va appeler ta maman, ma belle-mère, parce que ta fille, c'est ma femme depuis même petite. Donc voilà, donc ce petit garçon, je me rappelle d'une expérience. C'est moi, je sais très bien que c'est moi, parce qu'on était dans l'appartement alors de mes parents et dans notre salon. Et c'est moi, j'essayais je ne sais pas comment ça a commencé, en tout cas. Je sais que c'est moi, on s'est déshabillé, je ne sais pas quoi, c'est moi, je l'ai convaincu de se coucher sur moi, et je suis en train de lui montrer, dans mes souvenirs les plus lointains, je suis en train de lui montrer la position sexuelle, ce qu'il fallait faire, il fallait qu'il mette son sexe sur moi, et donc on a commencé, donc je lui montrais, et puis on nous a attrapés. Bon, à 3 ans, toi tu avais appris ça, ou tu avais vu qui fait ça d'abord? Je ne sais pas, je n'ai vu nulle part en vrai, je ne connaissais pas la télé, je ne pense pas même que là on n'avait pas encore la télé, parce que justement je crois que j'allais regarder la télé, je ne me rappelle pas qu'on a la télé dans notre appartement. Je n'ai pas d'image, mais je sais que je peux aller peut-être regarder la télé chez un autre monsieur. Ce monsieur, c'était un Nigérien, un Igbo qui vivait dans notre appartement, dans notre maison. Il avait son appartement, il faisait les affaires, il était riche, il avait plein de choses. Et j'allais tout le temps chez lui. Et tout le monde disait que je suis sa femme. Et lui-même, il m'appelait sa femme. Et il s'occupait de moi, il me gâtait, il me pourrissait. Mais mon père n'était pas souvent là. Ma mère, elle faisait ses commerces et tout, elle allait revenir. En tout cas, c'est ma mère. Et déjà, on avait déjà une ménagère avec nous qui s'occupait de nous. Donc, je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu quelque expérience sexuelle que cet homme a touché en quoi que ce soit. Ça, je n'ai pas de souvenir de ça du tout. Par contre, donc j'avais passé à la télé chez moi, j'ai jamais vu, j'ai pas de souvenir d'avoir vu mes parents. Mais je ne sais pas d'où ça m'est venu, c'est ça jusqu'ici. Mais maintenant, bon, à force maintenant, avec l'expérience, mes recherches et les trucs, j'ai une idée, hein, juste, voilà. Mais là, jusque-là, je me disais, mais je ne sais pas. Donc, on vous a attrapé, je crois que j'avais une tante ou bien, je ne sais pas si c'était la ménagère ou si c'était ma maman ou c'est les parents du garçon. On nous a attrapé. Qu'est-ce qu'on fait, c'est pas ça, où on a vu ça. Donc, on nous a pris, on nous a bien fessé. Oui. Je ne rappelle même plus c'est qui m'a fessé. Moi, je sais qu'on m'a mis sur le genou, on m'a bien fessé. Et ça m'a marqué. Oui. Et depuis ce temps, ben, j'avais la gêne par rapport au petit là. Oui. Mais je savais que, on savait que. Et puis, maintenant, on se moquait encore de nous en plus maintenant, en disant oui, c'est, voilà, on est les maris, femmes. On est les maris. Voilà, pour nous brimer quoi. Oui. Donc, ça, c'était la première fois. Oui. J'avais 3 ans. Oui, ma soeur, je veux que vraiment qu'on s'arrête sur ce point-là et on se pose des questions. Comment un enfant de 3 ans peut connaître les positions sexuelles? Comment vous parvenez à vous convenir au point d'aller vous cacher? Comment est-ce que vous commencez à faire l'expérience, sachant qu'à cet âge-là, les gens n'ont pas de sensations sexuelles, le corps ne répond pas à des exigences sexuelles? Comment on peut expliquer cela? Non. Les ténèbres. Parce que je ne sais pas. Je sais maintenant, je sais que c'est les ténèbres. Ce n'est pas possible. Oui. C'est pas. Et bon, c'est vrai que avec mes études maintenant, j'ai fait la psychologie de l'enfant. Voilà. Donc, pour montrer que à cet âge-là, on fait des expériences sexuelles. J'ai maintenant, avec la parole, je sais très bien que c'est pour normaliser tout ça dans la tête des parents pour laisser les enfants faire tout ça, pour les encourager à faire tout ça. Parce que vu que dans mes études j'ai fait la pédopsychiatrie, tout ça, ben oui, voilà, à partir de 2 ans, 3 ans, on a des expériences, on se rend compte de son corps, on se rend compte de son moi, on se découvre, on fait les expériences, on se tripote, on se voilà. Ça, c'est la explication scientifique et intellectuelle. Oui. Et donc, voilà, 3 ans. Première, après ça, bon, je ne me rappelle plus de grand-chose jusqu'à... Mais je sais qu'une fois dans cette maison aussi, le monsieur qui était un Ibo, là, un Nigérien, là, qui faisait les affaires, une fois, j'ai vu, puisque, voilà, je me prenais vraiment aussi pour sa femme, à 3 ans, donc, là, je me prenais déjà tellement pour sa femme, ce monsieur, je me la pétais vraiment à mon âge là déjà. Quand je vais chez lui, j'avais tout quoi. Il me gâtait, me faisait des cadeaux et tout. Donc je me pavanais, j'étais contente. Et j'ai vu une femme chez lui. Il a amené une femme. Et là, j'ai piqué une crise. Pardon? J'ai piqué une crise, maman. À 3 ans. Donc jalouse à 3 ans. Oh. Oui. Non, mais ça, c'est la meilleure, ça. Oui, on en parle toujours dans ma famille, maman et moi et tout ça, même quand je rentre en Afrique, on se rappelle, on rigole de ça, comment j'ai fait cette crise à ce monsieur-là. Oui. Parce que c'était tellement violent. Je me rappelle, je l'ai insulté. Ah. Alors que voilà, je l'ai insulté. Oui, je l'ai insulté qu'il était un impoli. Je l'ai dit, j'ai été tellement violente que le monsieur, il a été choqué, il m'a chassé. Il a dit, c'est quoi cet enfant? Oui, il m'a haï pratiquement, quoi. Il a dit, c'est que j'ai tellement choqué le monsieur qui m'a dit, c'est quoi cet enfant? Comment je peux être mal élevé comme ça? Il savait pas que c'était comme ça. Il veut plus de moi chez lui, je crois, je sais pas s'il a eu des histoires avec, je sais pas si après on m'a tapé, je me rappelle plus, mais je me rappelle de la crise. Ça, mais, comment je l'ai. Mais tu n'es pas allé arrêter cette femme-là, tu n'es pas allé arrêter cette femme-là, quitte mon foyer, tu bagarres un peu avec elle, hein. Non, j'étais fâchée, j'ai commencé à insulter le monsieur, qu'est-ce qu'il fait ici, la femme-là et tout, j'étais fâchée et tout ça. Et voilà, après, voilà, j'ai plus d'autres souvenirs. Ça m'est passé. Donc, c'est les deux expériences vraiment que j'ai vécues. Donc, avec le petit garçon, et puis cette crise de jalousie envers le monsieur, là, dans la même maison, là. Voilà. Il devait avoir quelque chose en moi à cette époque. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Donc, après, on a quitté là. J'avais 4 ans quand on a quitté cette maison où mon père a construit sa première maison. Donc, on a quitté là, on a rejoint notre maison. Et voilà, on était dans un endroit très reculé, chic, où il y avait des gens un peu de renommée qui commençaient à construire. Là, on était un peu vraiment isolés. On était avec les ménagères à la maison. Oui. Et je sais que, avec les ménagères, on avait deux ménagères que quand les parents n'étaient pas là des fois, elle commençait, elle se tripotait devant nous, elle faisait des trucs vraiment malsaines. Oui. Surtout devant moi, parce que j'étais l'aînée. Mon petit frère est venu trois ans après moi. Donc, après, dans cette grande maison, quand j'ai eu 5 ans, on a eu ma petite sœur. Donc, les autres étaient petits. Et voilà, mais voilà, on va dire, vers les 5-6 ans comme ça, les ménagères, voilà, elles me faisaient participer à leurs trucs là. Même prenaient, il y a une, je me rappelle, il y a une au moins, elle a pris mon, elle prenait ma main pour se caresser avec et tout ça. Et en même temps, ça me dégoûtait, mais en même temps, j'étais intéressée, intriguée, attirée à ça. Oui. Mais je n'avais pas de souvenir qu'elle me. Elle faisait des expériences sur moi-même. Ça, ce sont les ménagers qui sont censés s'occuper de vous, qui se comme ça devant les enfants et font des choses de lesbianisme comme ça à la maison. Oui. Pendant que les parents ne sont pas là. Non. C'est terrible. Et ça, je n'ai jamais dit à personne. Tout de laisser mon enfant même à des gens à garder là. Surtout qu'après, je me suis rappeler vraiment que le Seigneur m'a maintenant ouvert les yeux, parce que c'est vrai que il y a 2-3 ans de cela, moi aussi, à cause du travail, j'ai laissé mon enfant garder à la maison sans même me rappeler de tous ces épisodes. Hein. Donc, voilà. Et ça, on va dire vers les 5-6 ans comme ça. Puis ensuite, ça a commencé avec mes cousines. Donc, on dit, voilà, aussi, on laisse les filles entre elles là. Voilà, c'est mes cousines. J'avais, oui, 2-3 cousines qui venaient à la maison après l'école. Leurs parents habitaient loin, peut-être ils restaient chez nous en attendant, parce que nous on était près de l'école le temps que les parents viennent. Oui. Alors, on faisait nos expériences. J'avais toujours plein de bonnes idées, j'allais les prendre. Elles étaient quand même aussi, j'ai deux cousines au moins, elles étaient aussi bien vicieuses que moi, on va dire. Oui. Voilà. Donc, voilà, on s'amenait dans les coins, on se cachait dans les cachettes et on se tripotait, on faisait, voilà, on faisait du lesbianisme, mais carrément, on se tripotait, on se couchait les uns sur les autres, on faisait tous les trucs, on se donnait du plaisir, mais on va dire 6-7 ans, parce que ce que je dis là, tout ce que je vais dire, oui. Ça s'est arrêté vers mes 12 ans, donc... 6-7 ans, je faisais des trucs, voilà. Mais ma soeur, oui? À cette heure-là, vous ressentez quoi au juste? C'est ça qui est curieux dans cette affaire. Vous ressentez quoi dans tous ces attachements? Mais le besoin de faire ça, le besoin, dès qu'on est en train de jouer entre tout, c'est que c'est une pulsion, c'est quelque chose que tu ne comprends pas d'où ça vient. C'est juste que là, j'ai jamais fumé, mais je me dis, je suis sûre, c'est pareil. Que les fumeurs ou ceux qui sont drogués alors, si, parce que c'est, voilà. Ça vient de façon spontanée, sans que vous n'ayez prémédité. Voilà. Et là, avec le langage corporel, vous commencez à vous toucher sans vous parler. Et tout le monde se met à l'œuvre. Tout le monde se met à l'œuvre. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de se concerter, enfin, de discuter plus que ça, quoi. On savait ce qu'on avait à faire. Et là également, on ne vous a pas arrêté? Non, justement, une ou deux fois, alors on nous a arrêté. J'ai une tante, c'est que c'est la dernière de la dernière petite sœur de mon papa, qui était très jeune, qui avait mon âge à peu près. Donc, elle aussi, hein, bien expérimentée, qu'elle venait, ben, elle me prenait, elle me montrait des choses, dès qu'on pouvait se cacher, c'était dans le salon, il n'y a personne, on se mettait dans le canapé, on se couchait les uns sur les autres, on faisait des trucs. Et elle, je crois que une fois, si c'est pas une de ses grandes sœurs, une de mes tantes, ou bien ça, notre grand-mère qui nous a attrapés, le jour-là, j'étais très vraiment, je me suis transentie vraiment très, très, injustement traitée, parce que c'est vrai que le jour-là, c'est vraiment elle qui m'attrapait, qui me montrait, qui insistait, qui m'embrassait même et tout, et je ne voulais pas, parce que je trouvais ça dégoûtant. Mais là, quand on nous a attrapés, elle a tout mis sur moi, elle a dit c'est moi qui ai fait ça. J'étais tellement choquée, parce que malgré tout, voilà, j'étais honnête au fait. Ouais. Quand c'est moi, quand je dis c'est moi, et quand, et là, je me suis fait avoir comme ça, j'étais vraiment choquée. Et de là, de sa part, de tout, mais c'est là que j'ai commencé à voir la méchanceté de l'être humain. Parce que pour moi, on était deux. Elle, ce qu'elle fait, elle me met tout ça sur le dos comme ça. Oui. Bon, on nous a attrapés, nos parents n'étaient pas là, et puis on, je ne sais pas si on nous a, non, je pense qu'on nous a pas tapés. En tout cas, j'ai compris vite fait parce que c'était, elle était la dernière de ma grand-mère. Il y avait déjà 8 frères et sœurs. Elle était vraiment pourrie, gâtée. Et la grand-mère la couvrait vraiment pour beaucoup de choses. Donc, j'ai compris que c'était peut-être que, voilà, on ne voulait pas qu'il n'y ait pas de tâches sur elle, quoi. Genre, on a vite couvert ça pour que, voilà. Donc, la grand-mère non plus ne pouvait pas aller nous dénoncer ou quoi, peut-être. Je me suis dit ça. Donc, mes parents n'ont pas été au courant de ça. Oui. Une autre fois, j'ai une autre cousine aussi, pareil. On allait se cacher dans les bruits, quelque part dans la maison. Et puis, elle aussi, pareil, elle me faisait faire, elle expérimenter plein de choses. Et là, vraiment, elle et moi, vraiment, je participais avec elle bien, on était bien contentes. Et une des ménagères nous a attrapés. Et elle aussi, pareil, elle m'a tout mis sur le dos à un point. J'ai fait, mais c'est qui ces filles? Comment elles sont comme ça et tout? Vraiment, j'étais très déçue. Donc, à chaque fois, j'ai arrêté avec elle. Je les ai haïées, détestées. Ma cousine, là, je l'ai détestée. Je ne voulais plus rien avoir avec elle. Je la traitais de mauvaise et de méchante. Et donc, ça aussi, je ne sais pas. Je crois que ça, comme c'est ma cousine du côté de ma maman, quand ma maman est rentrée, on lui a dit, je crois que ma maman m'avait tapé ou bien. On n'appelle plus trop non plus. C'est passé. Entre-temps, nos tantes et ma maman à la maison, il y avait c'est comme la grande maison, voilà, il y avait toujours du monde chez nous. Elles passent leur temps à raconter des trucs, des histoires sexuelles, au fait, on était toujours à leur pied à tout entendre, au fait. Donc, à ce moment, j'entendais beaucoup de choses. Ma soeur, permets-moi de poser une question ici. Là, nous nous trouvons en quelle année, aux environs de quelle année? Dans les années 86. Dans les années 86, il n'y a pas cette prolifération de la pornographie en Afrique. Et là, nous nous trouvons au Bénin ou bien au Togo, à ce temps-là. Au Bénin. Au Bénin. Et à coup sûr, en ce moment-là, il n'y a pas la prolifération de la pornographie comme on voit aujourd'hui la liberté, le libertinage sexuel. Comment comprendre que les jeunes filles se livrent au lesbianisme alors qu'on n'était pas encore outré par ces images pornographiques à outrance venant de l'Occident? Comment comprendre? C'est que, comme c'est écrit dans la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est, puisque tout ce qui se passe déjà dans les ténèbres depuis longtemps. Et puis là, la télé et tout le reste montre ça pour normaliser tout, c'est tout. Voilà. Continue, ma sœur. Et donc, voilà. Et cette cousine-là, j'ai arrêté, mais une fois... Voilà, la cousine qui est dans les briques là et tout, dans les briques là, quand mon papa, on a dit à mon papa, maman, quand mon père est rentré, maman lui a dit. Et là, c'est la première fois, parce que voilà, j'étais pourrie, fille de chérie de papa aussi, hein, de toute façon, là, depuis là. Mais c'est la première fois que mon père m'a frappé. Il m'a frappé, ça m'a choqué, parce qu'il m'a frappé, il m'a donné, chez nous, on a le parmatoire, ça s'appelle, on donne des coups de main, on reçoit des coups dans les mains, je sais pas si... chez vous. Donc, il m'a donné des coups, mais il m'a fait, je crois qu'il m'a donné 6 coups, mais très mal, parce qu'il était vraiment très fort, et même qu'on disait, comme ils sont dans l'armée et tout, là, ils jettent le DPR, je ne sais pas ce qu'on disait quand on était petit là, et ils ont une force. Et... j'ai été tellement choquée qu'il me donne 6 coups si violents, mes mains tremblaient, je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 6 ou 8 ans. En tout cas, tout ce que je dis, c'est avant les années 90. Ça, là, cette période-là. J'ai été tellement choquée, mes mains tremblaient comme ça, comme si on m'avait cassé mes deux. Quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que, pour ça, là, pourquoi mon père a eu une attitude aussi violente envers moi pour ça? Je ne comprenais pas, au fait, vu que je ne voyais pas forcément le mal que je faisais à ce point. Donc, je n'ai pas compris. Avec le recul, je me suis dit, voilà, avec tout ce qui s'est passé après, je me dis, oh, c'est comme si là, il s'est dit, il ne faut pas que je ne sais pas. Donc, c'est passé. Ça, c'est passé. L'épisode est passé, mais j'ai continué avec, dès que je pouvais, la cousine. C'était pas trop. J'ai un seul cousin qui a essayé avec moi, essayé ne serait-ce que me tripoter. Je l'ai rejeté très vite. Elle est garçon. Aïssé, je ne les aimais pas, ils m'énervaient, à part le petit garçon là de 3 ans, là où ça s'est passé, là, quand j'avais 3 ans. Plus je grandissais là, les garçons, les cousins, non, non, non, c'était avec mes cousines. Mm-hmm. Je l'ai vraiment repoussé très vite, mon grand cousin là, et il m'a lâché tout de suite. Mm-hmm. Donc j'ai continué tant que je pouvais avec les cousines, oui. On s'entendait une ou deux. Et puis, la dernière, vraiment la dernière, c'était, voilà, une cousine aussi. Son papa aussi, c'est un collègue à mon père aussi et tout ça. Bon, ils font tous les grands trucs occultes entre eux, là, ensemble. Et elle aussi, elle en est sortie, voilà, comme on était dans la même école, ses parents viennent la chercher un peu tard et elle restait avec nous en attendant. Le jour, là, on est carrément allé dans la chambre de ma maman, dans le lit et tout. Et on s'est déshabillés complètement et vraiment littéralement ensemble quoi. Je devais avoir vers les 8 ans. Mm. C'est sûr. Une fois de plus sans parler, vous vous retrouvez dans la chambre. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que oui. Ce n'est pas comme les grandes personnes qui peuvent faire des dragues, aller au supermarché, aller faire des courses et puis rentrer. Là, vous rentrez de l'école et puis subitement vous vous trouvez dans le lit. Torse nu, totalement nu, en tout débat juvénal sexuel. Oui. Et oui, on s'attire. Pendant, par exemple, tout le monde est en train d'être là. On se fait des regards. Tu viens. Et petit à petit, on commence à s'échapper, à se suivre jusqu'à. Et puis, on se retire discrètement des autres, quoi. Et puis, voilà. On rentre dans la chambre. On se déshabille, on rentre dans le lit, on commence à faire le truc. Et là, c'est ma maman qui est venue, elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle nous a vu. Je crois qu'elle a dû être choquée. Elle a dit, c'est quoi ça? Je crois qu'elle a dû être choquée. J'ai oublié son cri, mais je sais qu'elle a été choquée. Elle nous a tiré, elle nous a dit, levez-vous, déshabillez-vous, c'est quoi ça? Et toi, tu vas dire à toi, tu vas voir aujourd'hui. Et tout. Mon Dieu, je me suis dit, j'ai dit, c'est foutu, je suis morte aujourd'hui. Elle a dit à mon papa. Et là encore, pareil, le même scénario que peut-être il y a un an ou il y a quelques mois avec l'autre cousine. Il m'a encore vraiment frappé, donné un coup de parmatoire là, mais encore très violent. Qui ne veut pas voir ça dans sa maison, que c'est ça, moi je veux faire tout. Et j'ai été encore tellement choquée vraiment par ça, que je crois que c'est après ça, j'ai arrêté. Après ça, j'ai arrêté. Mais j'avais le vice là, en moi là. Voilà, mais j'ai arrêté. Puis, je crois que c'est après, je suis passée à la masturbation. Oui. Tout ça avant 10 ans. Hein. Avant 10 ans. Oui. Je suis dépassée. Et au fait, comment je suis passée à la masturbation, je me rappelle très bien aussi parce que j'ai un oncle, un petit frère de ma maman qui habitait dans la maison. Il habitait dans la maison et il amenait plein de filles à la maison. Et mon papa n'était pas d'accord avec ça. Je me rappelle même que mon papa, c'était un étudiant. Hein. Je me rappelle même que mon papa avait déjà donné des coups de parmatoire aussi une fois pour ça. Même qu'on se moquait, j'entendais les tantes et les mamans là se moquaient de mon papa que c'est parce que voilà, il désirait les femmes, les belles filles que mon oncle amenait là. Parce à cette époque-là, tout ce que je dis là, c'est les époques où je voyais déjà bien la perversité sexuelle de mon père qui amenait plein de femmes, des maîtresses à la maison, qui me traînaient chez ses maîtresses et tout ça. Même si je ne voyais pas physiquement les actes, voilà, je le voyais, il m'amenait chez les maîtresses ou partout où il était, et puis je restais au salon, ils étaient dans la chambre. En tout cas, voilà, j'étais au courant bien, bien. Cette infidélité, et tout ce qu'il faisait avec les femmes dehors, et même à la maison, il amenait, notre maman était là, il amenait les maîtresses à la maison. Donc, mon oncle a amené alors la fille, et puis je les épiais, ils sont rentrés dans la chambre, à chaque fois qu'ils étaient dans la chambre jusqu'à un sort. Je les épiais, c'est toujours, je devais toujours avoir vers les 7 ou 8 ans, je ne sais pas, je sais à moi ce qu'ils font. Et je les ai pieds, j'ai commencé à aller les regarder par le trou de la serrure dans la chambre. Et donc, quand je les regardais, donc ils étaient sur le lit, ils étaient voilà en plein ébat sur le lit. Et je voyais et je les regardais et je sentais l'excitation monter en moi. Ça m'excitait jusqu'à après, je suis partie. C'est arrivé à un niveau où il fallait vraiment que je me retrouve seule. En fait, voilà, et c'est là, c'est tellement monté que je suis allée alors me réfugier dans la chambre de ma maman. Et puis voilà, j'ai commencé à me tortiller, à me serrer, à avoir les positions. Jusqu'à ce que j'atteigne la jouissance, quoi. Je devais avoir cet aspect de temps comme ça. À cet âge-là, est-ce que ton corps est développé comme le corps des femmes normalement? Non, même pas du tout. J'avais même pas encore les seins, ni rien. Je suis dépassé, ma soeur. Toi-même, tu n'es pas dépassé comme moi. Je suis trop dépassé. Si vous avez encore rien entendu, personne ne sait. Quand je me suis mariée avec mon mari, quand des fois j'essaie de commencer à parler, j'essaie des fois d'essayer de me libérer, mais lui aussi, bon, comme il a un autre niveau aussi de perversité sexuelle auquel il m'a initié, lui, il rigole tout de suite, il commence à rigoler. Oh, c'est parce que j'avais tout ça en moi alors, j'étais une bonne alors depuis tout ce temps, donc ben, je laisse tomber au fait. Il n'a jamais réalisé la souffrance que c'était pour moi au fait. Oui, continuons, ma soeur, continuons. Donc, à cet instant-là, a commencé maintenant l'étape maintenant de la masturbation personnelle. Donc, personnellement, donc là, ouf, c'est bon, je me suis libérée, j'avais plus besoin de personne. Voilà. À partir de ce jour, j'ai compris que j'avais plus besoin de personne. Parce que j'ai atteint un niveau où j'atteignais même pas avec mes cousines là, puisque là, vraiment, j'ai eu de la jouissance à la fin là, de l'acte. Et j'ai ressenti ça, c'est nouveau. Et donc, voilà, dès que, voilà, maintenant, je suis tranquille, j'ai trouvé mon truc. Dès que j'ai l'envie me prenait, j'allais me trouver, me cacher dans la chambre de maman, quelque part, tu vois, dès que je me sentais seule ou je me suis couchée la nuit, n'importe quel moment, voilà, je me trouvais. J'avais des astuces, je vais prendre des coussins, des pailles, les serrer vraiment très fort entre mes cuisses, dans mes jambes, jusqu'à atteindre l'orgasme. Et bien voilà, et je menais ma vie. Donc, autant j'étais une fille parfaite, sainte, comme je disais, vraiment très parfaite dehors, autant j'avais une perversité cachée sexuelle là, que personne ne pouvait imaginer. Oui. Mais qui me passait, que je ne sais même pas, je ne peux même pas. Et donc, ma haine encore pour les hommes a augmenté encore plus. Et puis, je voyais mon père faire et je voyais comment il faisait souffrir ma maman. Ça me faisait encore plus souffrir. Et je voyais mes tantes et mes mamans et les dames, tout ça, parler encore de plus en plus des malheurs que les hommes leur causent et tout ça. Donc, je haïssais de plus en plus les hommes. Et puis, je commençais à me développer dans ma tête, là, toute seule, là, comment je vais haïr les hommes quand je vais grandir. Je vais faire du mal aux hommes. Je suis bien toute seule, au fait. Je veux être une puissante dame toute seule qui va vraiment faire du mal aux putains. Oui. Et là, tu ne pensais pas avoir d'enfant? Non, je ne voulais pas en avoir. Je disais justement parce qu'il parlait aussi entre comment dire, toujours dans les conversations des adultes, là, qui disent tout et n'importe quoi. Je le dis comme ça devant les enfants. J'avais aucune envie de faire des enfants. Je comprenais comment ça se faisait des enfants, comment on avait mal, comment on se faisait. Je refusais absolument de souffrir comme ça, d'avoir un enfant. Et puis une fois, il y avait un grand livre de biologie, de science qui traînait dans ma maison. Je ne sais pas d'où. Ça a dû être mon papa qui a dû ramener ça, puisque ma maman n'était pas lettrée. Ou bien peut-être mon oncle, je ne sais pas. Et on fouillait dedans. Et dedans, il y avait, voilà, ça traînait. Et puis on pouvait fouiller. Et puis il y avait... À un moment, tu as eu des maladies. Tu vois, c'est un destin, c'est un moment pas de la conception, de l'accouchement. Et puis, carrément, j'ai l'image là, carrément, ils ont montré une femme, il y a des photos d'une femme en train d'accoucher, à partir jusqu'à la fin où la tête de l'enfant sort comme ça. L'image, j'ai cette image là. Et j'ai été tellement choquée, ça m'a toujours choquée ce livre que je dis jamais, je ne vais jamais avoir mon enfant. Et ma maman disait même, je disais ça quand je commençais à dire ça. Maman disait, elle va me taper maintenant, elle va me taper la bouche maintenant. Est-ce qu'on dit ça? Que si elle avait dit ça, est-ce que je serais là aujourd'hui? Que une femme avoir des enfants. Oui. Elle disait, je n'aurai jamais d'enfants parce que je vais avoir mal. Et si moi, je serais comme ça. Mmh. Mais moi, j'étais traumatisée, au fait, dans ma tête. Mmh. Et donc, voilà, je ne voyais pas d'avoir d'enfants. Et en clair, tous les événements autour de toi venaient te pousser et te conforter dans ta débauche sexuelle personnalisée. C'est personnalisé et sans avoir besoin de personne, surtout pas d'homme. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, ça a commencé comme ça. Il y a une autre scène, mon frère, qui m'a choqué. Mais j'ai fait tout. J'ai fait tout. Enfin, je ne sais pas. Après, j'ai grandi. Je vois. J'ai tout fait. Je ne sais même pas. Je me rappelle l'âge aussi parce que je sais que c'est avant mes 10 ans aussi. Parce que après mes 10 ans, notre maison a changé. Les choses ont changé d'une manière que je me rappelle de tout après mes 10 ans. Mais là, ce que je dis, c'est toujours dans l'ancienne maison, là, avec mon père, là. Donc, une fois, je ne sais pas où était passé tout le monde. J'étais dans l'arrière-cour, il y avait la cuisine et tout ça. En tout cas, on avait des poulaillers, des coques et tout, plein de choses à la maison. Et je ne sais pas l'envie, tout ça me sortit. Je ne sais même pas comment j'ai pu. Je crois que j'ai pris une poule ou un canard petit et tout. Puis, j'ai enlevé ma culotte et puis j'ai essayé de... J'ai écarté parce que je les voyais comment ils faisaient. Là, ils se montaient les uns sur les autres, les poules et les coques, là, pour féconder, là, ou voilà, pour voilà. Et j'ai écarté la partie de la poule, là, puis j'ai commencé à frotter ça dans mon cesse. Mmh. C'est un truc qui m'a toujours choqué jusqu'à aujourd'hui. C'est horrible, mon père, ce que j'ai vécu. Et tu ne comprends pas ce qui s'est passé normalement, alors que c'est toi-même qui le faisais. Oui. Oui. Donc, ça s'est passé. Ça, j'ai eu cette expérience une seule fois. Personne m'a attrapé. Je ne sais pas comment j'ai pu. De toute façon, en courant, on savait attraper les poules là. Et voilà, non. Mais après... Je ne sais pas, après quand je vois même la poule pouvait me blesser, les griffes et tout, je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, puis je l'ai jeté après, et puis je devais faire, puis j'ai remis ma culotte, puis j'ai fui, et puis voilà. C'est-à-dire que tu as attrapé la poule vivante? Oui. Et la poule ne criait, pas, que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, ce n'est pas la fête de Noël, ce n'est pas la fête de Noël, on ne doit pas me tuer à ce moment-ci. Si elle a beau crier, moi j'avais, c'est comme des missions, en fait, c'est comme un ordre, je ne sais pas, j'avais ce que j'avais à faire, mon Dieu, j'étais possédée, ça c'est pas... Et donc j'ai jeté la poule, j'ai vite fait, personne ne m'a attrapé pour ça. Oui, mais ça me refait en fait les choses, mais c'est pas possible, c'est horrible pour me posséder, quoi. Parce que tu fais les choses qui t'horrifient, tu comprends même pas et tu les fais quand même. Ah. Donc après c'est passé ça. Et ensuite j'ai continué à grandir. Maintenant, bon, l'étape là est passée après mes 10 ans, oui. Je me suis calmée un peu, mais voilà, j'ai commencé aussi à regarder un peu la télé alors. Donc, on a commencé à regarder les blancs, la télé, avoir des scènes un peu. À cette époque encore, les scènes n'étaient pas trop choquantes et tout. Mais moi, une petite scène me disait déjà beaucoup de choses et me faisait ressentir déjà beaucoup de choses. J'allais juste me cacher, me masturber, voilà. J'étais tranquille dans mon monde, là. Et extérieurement, ben, petit à petit, voilà, je me renfermais sur moi-même, je n'aimais pas les gens, j'étais à part, je trouvais tout le monde minable et méprisable autour de moi. Mmh. Et donc, à l'école, ça allait, je travaillais bien, mais les garçons me détestaient parce que je me répétais trop, et puis ils me faisaient des histoires tout le temps, donc j'avais pas beaucoup d'amis. Je me trouvais déjà trop parfaite et trop, déjà je ne voulais même pas jouer tellement avec les autres enfants à l'école parce que, voilà, je les trouvais trop noirs, ils allaient me salir, enfin, j'avais un orgueil pas possible. Ma soeur, à l'issue, chaque fois quand tu faisais cette masturbation, quand tu pratiquais cela, comment tu te sentais après quand tu étais rhabillée ou bien quand tu sortais? Comment tu te ressentais? Mais Bon, je me sentais bien. C'est comme si tu vas te soulager de quelque chose. Après, bon, je passais à autre chose. J'avais pas de sentiment de culpabilité ou de quelque chose, même de. Donc, je faisais mon truc. Je faisais rien de sale. J'avais trouvé mes techniques où j'avais même pas. J'étais tout habillée. Je rentre dans la chambre. J'avais même pas besoin de me déshabiller ou quoi que ce soit. Je me serrais quelque chose entre mes cuisses. Si je trouve un pain que j'enroule bien, je me mets dans le lit. Je me tortille jusqu'à que ça arrive. Et puis après, je me suis soulagée. Voilà, voilà. Et là, ça a continué toujours. Ça ne s'est pas arrêté là, dans tes débauches sexuelles. Non, ça n'a plus arrêté. Et donc, ben, à l'école, alors, c'est vrai, petit à petit, tout ça, c'était au cours primaire, hein, jusqu'à mes 12 ans. Je sais que j'ai eu mon CEP aux 12 ans, je suis partie au collège. Donc, voilà. Au cours primaire, je n'ai jamais eu, il y a toujours eu des petits garçons, je suis tombée amoureuse une ou deux fois, et on se faisait nos petits jeux. Mais sans plus, on se pouvait se tenir la main, se faire des petits bisous sur la joue, faire se cacher, mais sans plus. Les deux, trois garçons que j'ai aimés, là, c'était, ils n'ont jamais rien touché, rien. Moi, j'avais mon truc tout seul et je ne me voyais. Et par contre, plus ça allait, donc vers mes 12 ans, là, alors, je crois, c'est déjà, dès que je suis allée au collège, ça a commencé petit à petit comme ça. Plus ça allait, plus maintenant, je me trouvais tellement parfaite que je décidais l'envie de ne plus, au collège, alors l'envie de ne plus me marier passait petit à petit. Mais je me disais, personne ne va jamais me toucher, aucun homme ne va jamais me toucher jusqu'à ce que je me marie. Je me trouvais trop parfaite. Deux, j'avais peur, littéralement, mais peur, parce que quand j'entends et les menaces des parents, des mamans là et tout ça, et tout ce que j'entends, j'avais peur de tomber enceinte. Cette peur-là de tomber enceinte. Et donc, quand j'ai eu mes 12 ans, j'ai eu mon CEP, oui, justement, pendant les vacances, là, j'ai eu mes menstrues, mes premières menstrues. Et ma mère, voilà, m'a bien enseigné après ça, comment il faut et tout ça. Et c'est ça que je vois, là, je suis devenue adulte, que si jamais un garçon s'approche de moi, je vais tomber enceinte, qu'il faut éviter ici. Et donc, j'ai été pris, je ne savais pas ça, là, avant d'avoir mes menstrues, là, et tout. J'ai été prise, et que mon homme explique tout ça, je ne savais pas. J'ai été prise d'une panique et d'une peur. Je crois que des garçons, là, que voilà, il fallait absolument pas que je tombe enceinte. Et plus je grandissais, plus en plus j'entendais, voilà, et les filles tombaient enceintes et avortaient et tout ça, mais sans savoir c'était quoi les conséquences de l'avortement. Ou bien c'était pour moi. Je ne voulais absolument pas tomber enceinte et m'avorter. Alors je disais, quand je serai mariée, que je vais avoir, qu'un homme me verra ma cuisse là seulement quand je serai mariée. J'avais cette conviction là quelque part en moi. Donc, j'étais une double personnalité ou une triple, quatre personnes en moi tout seul en fait. Des phases. Oui, non, c'est pas des phases, c'est que ça ne passait pas. J'avais des choses bien en moi, mais bien définies, chaque chose à sa place. Des murailles, chaque muraille était bien construite. Voilà, dans ma vie de perversité, de tout ce que je pouvais faire toute seule, là, et mes idées perverses que j'avais dans la tête et tout ce que je faisais, personne ne pouvait pas s'imaginer. Je tendais et j'aspirais aussi à une vie parfaite, sainte. Que je me rendais compte que tout ce qui était autour de moi était mal au fait. Et qu'il y avait bien quelque chose de bien. Et je voulais ce bien-là. Mais c'est comme si je ne savais pas comment l'atteindre. Je voulais ce bien-là. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui me montait à part. Je voulais ce bien-là. J'ai grandi dans une famille, Et pourtant, j'avais cet idéal-là que je n'ai jamais vu nulle part, que j'aspirais, auquel j'aspirais. Et donc, ça m'a permis, voilà, on va dire, d'éviter la débauche sexuelle extérieure avec des garçons et tout ça. À mes 14 ans, j'étais au collège, à mes 14 ans, j'ai eu mon premier copain. Vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse, vraiment, mon premier copain. On a commencé à sortir le petit ami ensemble. Il avait 16 ans. Et j'étais sérieuse avec lui. Enfin, on se cachait bien. Il était dans mon collège. Mes parents, on se cachait. J'allais le voir. Voilà, on faisait les embrassades, tous les trucs. Mais c'était tellement dur et méchante. Lui-même, déjà, il avait peur de moi. Tout le monde avait peur de moi. C'est moi qui menais le jeu. Oui. Il ne me touchait pas où il fallait me toucher. J'étais à l'école, à mon collège, j'avais mes robes. En dessous de mes robes, je mettais des cyclistes. J'étais presque la seule, c'est-à-dire que personne ne devait me toucher ou voir mes cuisses. Oui. Donc, même quand j'allais chez mon petit copain, là, je mettais mon cycliste et il pouvait que me faire des bisous, des petites caresses, ça s'arrête là. Mmh. Et ça a été comme ça pendant des années, 2-3 ans facilement, comme ça. J'étais fidèle, hein. On avait des projets, on allait se marier, on allait faire nos études, on allait venir en Europe. Petit à petit, donc ça a duré 4 ans, ça. Oui, 4 ans sans avoir couché ensemble. Non. Il y avait toujours ta réserve de la peur de tomber enceinte, là. Oui, et surtout que je ne devais pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Mmh. Voilà. Ça, j'avais cette conviction-là. Mmh. C'était différent de la peur de tomber enceinte. C'est quelque chose, voilà. Au bout de la troisième année, quand même, il a commencé un peu à me pousser un peu, pour aller un peu loin. Je le laissais un peu plus, mais toujours sans grand-chose, quoi. Voilà, dans les caresses, on va dire, mais toujours avec mon cycliste sous ma robe, quoi. Il était hors de question qu'on aille en dessous de mon cycliste ou de ma culotte. Ouais, ta cycliste était là pour te protéger, quoi. Oui, voilà. Mmh. Donc... Et voilà, il pouvait, à des moments, je sais que voilà, il se mettait, on était dans sa chambre, il se mettait sur moi, en fait, il se masturbait contre moi jusqu'à jouir, mais moi, j'étais comme de glace, c'est qu'il avait pas assez à mon corps, quoi. Je lui laissais avec mes habits sur moi, ce qu'il pouvait faire pour se faire du bien, ça s'arrêtait là. Et ta maman était au courant de cela? Non, sa maman a commencé à être au courant au bout de, je crois, 2 ans comme ça. Et je crois les gens dans le quartier commençaient à me voir de temps en temps comment je me faufilais parce que ils habitaient pas très loin. Et puis, il y a une voisine aussi après. On avait une ménagère que j'avais mis dans le jeu un peu, qui me couvrait. Mais une fois, elle m'a carrément dénoncé, je sais pas pourquoi. Et donc, ma maman était très fâchée. Ma maman m'a dit qu'il faut que j'arrête ça, que j'ai à peine... 14 ans, je ne sais pas quoi. Oui, non, c'était la première année, ça. C'était la première année quand maman a compris ça. Je ne sais pas comment elle a compris. Elle a dit que qu'est-ce qu'elle apprend là avec ce garçon-là. Elle ne veut pas entendre ça. J'ai que 14 ans, elle a 16 ans, elle ne veut pas entendre ça et tout ça. Avec mon père ici, je m'occupe, je n'ai qu'à m'occuper de mes études et tout ça. Elle m'a bien sermonné. Mmh. Et puis, j'ai dit, je lui ai juré tout, qu'il n'y avait rien, que c'est faux, que les gens racontent des histoires et tout. Et puis, c'est passé. Et puis, j'ai été beaucoup plus prudente. Jusqu'à ce qu'on me soupçonne plus de rien. Mmh. Mais ça continue jusqu'à la dernière année. Voilà, j'avais 17 ans. Les gens, un peu dans le quartier, commençaient à savoir, puisque mes camarades étaient au courant. Et puis, les mamans aussi se parlaient entre elles et tout. Ma maman me disait, avec le gars, là, tu continues toujours derrière, le voir, tu continues toujours, tu vas voir, je vais te dénoncer à ton père. Elle me menaçait toujours, mais elle disait jamais rien. Elle avait aussi trop peur de mon papa. Hein. Mmh. Elle savait, comme j'avais dit, comme j'étais un peu le tampon entre elle et mon papa, et je suis sa fille parfaite, elle sait très bien que si jamais ça atterrit à mon papa, le désastre que ça peut faire, ce que mon papa peut-être pouvait me faire, ou ce qu'il pouvait nous faire à elle à la place, quoi. Je crois que c'est tout ça qui fait qu'elle me dénonçait pas, mais elle me sermonnait tout le temps. Oui. Donc, c'est après, voilà, après mes 17 ans, voilà, comme j'ai dit, je suis allée un peu plus loin avec lui, mais sans plus. Et j'étais toujours restée, voilà, intacte, là, jusqu'à ce que mon père m'amène dans la secte, là, dont j'ai parlé dans l'autre témoignage. Mmh. Donc, quand je suis allée là-bas, et j'ai vu que la sainteté des gens et tout ça, comme j'ai dit, waouh, je me suis dit, waouh, c'est bien ça, bon, j'ai pris vraiment un coup. J'ai commencé à pratiquer ça et tout. Et là, petit à petit, je voyais que voilà, le groupe des jeunes là que je voyais parfait, mais tout le monde, comme si voilà une nouvelle proie, une proie parfaite qui arrivait, tout le monde se jetait sur moi, quoi, en fait. à me faire la cour partout où je fais mes dents. Quand j'ai atterri, moi, je croyais qu'ils étaient 5, 6, étaient. Donc, j'ai commencé à avoir un peu du mépris pour eux aussi là-bas. Mais je me disais, c'est eux tout seuls. Je ne voyais pas que, encore que, voilà, c'est le monde spirituel dans lequel ils sont là. Ils sont liés tellement. C'est pour ça qu'ils sont aussi plus possédés que moi. Donc, je disais, c'est eux qui ont des problèmes, ces jeunes-là et tout ça qui me draguaient tout le temps. Et puis, voilà, il y a même ça dépassé, même les jeunes d'autres papas ou bien qui carrément te font, voilà, comme j'étais déjà draguée par les grands, les messieurs, j'étais vraiment, à 17 ans, j'étais une madame, vraiment, hein. Et comme dans le monde, voilà, dans la vie de tous les jours, comment je me faisais draguer et proposer des belles choses et tout, je refusais les hommes, surtout les hommes mariés, les messieurs, les grands. En tout cas, eux, c'était le pire encore. J'ai fait le contraire de tout ce que les filles à mon âge faisaient. Moi, c'était le pire. Je ne voulais même pas en entendre parler. Voilà. Et donc, je voyais bien, je savais comment ils se comportaient. Quand ils commençaient à voir une jeune fille vraiment toute fraîche là et tout, je ressentais déjà dans leur regard certains messieurs là, dans la secte là. Mais bon, comme je prenais tout le monde de haut, très vite, je remets tout le monde à sa place au fait. Jusqu'à tomber maintenant sur l'homme. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme si quand mon père faisait les autres choses occultes, oui. Il fallait, là avec tout ce que je sais, voilà, et où j'en suis aujourd'hui, je me disais, il m'aimait tellement mon père, en même temps, c'est comme s'il m'a promis à quelque chose, il devait m'initier à quelque chose, oui. Et son amour l'empêchait de faire ça. Oui. Et cette a permis de me séduire, au fait. Parce que comme j'ai vu après le niveau de la sainteté, là, j'ai baissé un peu les bras. Oui. Et j'ai rencontré alors un garçon, là. Et là, alors, il m'a fait perdre littéralement la tête. Mais l'autre, ton jeune amant là, il était où entre-temps? Celui dont vous avez connu au lycée? Vous avez dit? Oui, mon petit coco. Oui. Bon, il était, puisque je le voyais toujours, mais nous on allait à la secte, on revenait normal, la vie continue normale, j'allais le voir et tout ça. Mais quand vraiment ce garçon m'a fait perdre la tête dans la secte là, j'ai arrêté tout, mais net. Je ne suis pas. Non, avec le copain déjà, mon ancien petit copain, j'ai commencé à aimer un autre garçon à un moment que j'ai commencé à flirter avec lui. Ça a duré 2 mois, on va dire. J'ai dû flirter avec le garçon 1 ou 2 fois. J'ai été tellement attristée et d'être infidèle à mon petit copain que j'ai arrêté tout de suite. J'aimais pas ça. Je voulais être honnête. J'étais quelqu'un d'honnête. Donc, j'ai arrêté tout de suite avec l'autre garçon et j'ai continué à mon petit copain. Mais alors, celui-là que j'ai rencontré, c'était plus fort que moi. J'ai arrêté tout avec l'autre. Je lui ai brisé le cœur. J'ai tout arrêté. Je ne voulais plus tout du jour au lendemain. Je l'ai fait vraiment très souffrir de tout. Et voilà, j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé alors ma relation avec le garçon dans cette secte-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Que voilà, j'avais 18 ans alors, puisque je me suis fait initier à 18 ans, entre mes 17 ans et mes 18 ans. Donc, quand j'ai commencé ma relation avec lui, j'avais 18 ans. Mon frère, au bout de... Donc, avant que je commence à sortir avec lui, ben, j'étais déjà, on va dire, je fréquentais la secte là depuis un an environ. Un an environ. Dans la secte Sukiyo Maekari, là. Oui, c'est ça. Et donc, quand j'ai commencé à fréquenter, j'ai commencé à le fréquenter, vraiment, c'était la perfection là-bas pour moi. Donc, voilà. Et j'ai baissé les bras, comme j'ai dit. Ils sont là et ils se draguent, ils ont des relations et puis ils font tout comme les gens du monde que je pensais, voilà, les autres personnes. C'est que c'est bon alors. Donc, quand j'ai commencé à aller chez le garçon, là, j'avais toujours mon cycliste, là, sous ma robe. Il se moquait de moi. Il disait, mais c'est quoi ça? Eux, ils étaient dans un niveau déjà très, très élevé, c'était vraiment des gens, parce que moi j'étais un peu partagée avec mon père qui était dans le grand monde et mon maman qui était quelqu'un de simple. Ma famille, la famille de ma mère et de mon père étaient des pauvres en fait, qui ont vécu très simplement. Ma mère restait quelqu'un de très simple, de voilà. Donc, on va dire, j'ai vécu la vie normale de simplicité et je vivais aussi la vie des grands de ce monde ou de notre monde avec mon père. Mais eux, comme ils ont vécu que dans ça, leurs parents étaient déjà, les avaient bien déjà occidentalisés, ils voyageaient beaucoup, ils sont dans tout le monde. Donc, ils se moquaient de moi comme si j'étais une villageoise et tout. Et puis, petit à petit, je ne sais pas, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, il a fait tomber toutes mes barrières. Mais mon cycliste, on me l'a, je l'ai enlevé. Il m'a montré, il m'a initié aux caresses, à toutes les... Parce que, ah, attention, là où je me suis fait avoir dans cette secte, les jeunes, justement, leur apprend qu'il ne faut pas se marier, il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais eux, ils le faisaient. Voilà, donc je me suis dit, ah, c'est bon, donc voilà. Mais je me suis dit, bon, alors j'aurai un ami, ça va être comme l'autre aussi, on va se conserver, on va s'aimer jusqu'au mariage. Mais non, lui, très vite... il m'a initié au fait, ce qui était en moi, qui était horrible, que je refoulais là, eh ben, j'ai trouvé ce qui allait nourrir ça, en fait. Et donc, voilà, il m'a initié à toutes les autres techniques possibles sans l'acte direct, au fait. Donc, voilà, et j'étais choquée moi-même, les caresses, le frottement, et voilà, les affirmations, voilà, on a tout, sauf la sodomie, au moins ça, je m'en suis préservé, le Seigneur m'a préservé de ça. Oui. Et donc, voilà, on se faisait des caresses, on était vraiment, on faisait tout sauf l'acte, on se donnait du plaisir, sauf que j'étais la première fois déjà, il m'a complètement déshabillé, il m'a fait plein de caresses. Après, il m'a amené prendre la douche avec lui et tout. C'est la première fois que je voyais déjà un corps d'homme nu et tout ça. J'étais choquée, mais j'avais 18 ans, mais j'étais tellement choquée, je tremblais. Mais je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas résister. C'est plus fort, l'emprise. Et je suis rentrée chez moi le jour là, je vous assure, je tremblais tellement. J'étais sûre que rien que sur moi, de la tête aux pieds, ma maman allait tout découvrir et que je suis allée coucher dehors avec un gars. Mais voilà, alors que voilà, j'ai été très sous le choc. Je lui ai toujours dit ça, j'ai été sous le choc, mais il me disait non, non, oh, c'est moi, ça, je suis trop coincée au fait. Donc il m'a décoincée. On m'a déconseillé, c'est comme j'ai dit, c'est la séduction, c'est-à-dire que c'était par où pour me laisser les pas, pour me faire tomber mes barrières, pour avoir accès à moi sexuellement. Je suis convaincue que c'est que le but de ça, parce que, voilà, mon père n'a pas pu directement avoir accès. Je n'ai jamais, là je me dis, il s'est marié avec moi occultement dans les ténèbres, c'est sûr, je me disais ça à un moment. Mais je sais que... En vrai, il ne s'est jamais, n'a jamais rien fait de déplacer avec moi. Il n'a jamais fait rien de sexuel, même rien de dépasser. Même des fois, même moi-même, j'étais petit à petit, quand je grandissais, ne serait-ce que quand mes copines venaient à la maison, comment ils les regardaient. J'ai commencé, même j'avais une copine à un moment, franchement, vers ma terminale. Je disais, elle là, il fallait plus qu'elle vienne chez moi et tout ça, parce que mon père, parce qu'il draguait. Parce que même devant moi, ça dit qu'il drague les gens qui sont plus, les jeunes filles qui sont plus jeunes que moi. Et voilà, et tout le monde sait. C'est que c'était une maladie. Tout le monde le connaissait. C'était une maladie. Il avait une perversité. C'était très, très, quand j'étais dans mes 13 ans, je me rappelle, je devais être peut-être dans les 12, 13 ans. Une fois, il était en voiture avec moi dans une autre ville où il est affecté. Et c'est avant, on a vu une jeune fille dehors qui marchait. Il l'a poursuivi avec la voiture jusqu'à, et puis il a dragué. J'étais assise à la place côté mon chauffeur, et puis parler à la fille qui était de mon côté à travers moi, quoi. Vous imaginez ce que j'avais vécu, mais c'est pas pour, voilà. Et je le voyais, il avait un côté vraiment, un truc, il ne pouvait pas se retenir, je le ressentais petit à petit avec, le recul m'a grandi, et puis après sa mort, tout ce que j'ai découvert, j'ai vu que c'est parce que il était lié, qu'il avait besoin des filles. Petit à petit, il avait besoin des femmes pour leur rite et tout ça. Oui. découvert tout ça, j'ai compris tout ça après. Donc tu as continué comme ça dans la vie des débauches, étant dans la secte jusqu'en classe de terminale. Oui, jusqu'en classe de terminale, jusqu'à avoir mon bac avec mon garçon là, jusqu'à aller en Europe. Oui. Mais par contre, j'avais décrété dans ma tête là, j'avais décrété dans ma tête que puisque là il m'a touché, lui il était foutu, il ne pouvait plus me laisser. Oui. Ce sera mon mari, ce sera, il n'y avait rien à faire. Oui. J'avais décrété ça, mais j'avais cette conviction dans la tête que c'est que je ne lui disais pas littéralement. Après, sur le coup, je lui ai dit. Parce que lui-même, après, m'a avoué qu'il ne savait même pas ce qu'il trouvait. Parce qu'on n'avait rien à voir, lui et moi. C'est les jours, la nuit. Donc, je lui disais, mais comment j'étais déjà perchée à la main, au bras de mon père, là. Vraiment comme une grande dame. Je me la pétais tellement. Je disais, celle-là, là, il va la descendre. Il va me descendre du piédestal, au fait. Et que lui, il a utilisé un terme aussi que vraiment aujourd'hui, il me dit toujours qu'il a fait le sous-marin. Les poissons, donc il a fait le sous-marin. Et les poissons, comme mon père, de toute façon, ils sont nés à un jour d'intervalle. Oui. Dans l'horoscope, là, voilà. Donc il a fait le sous-marin avec moi pour m'avoir. Il m'a avoué ça après. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il veut dire par sous-marin? Oui, non, mais lui-même, il ne sait pas non plus, hein, parce qu'eux aussi, ils ont été avec leurs parents sacrifiés, initiés à ces sept, ils étaient possédés depuis aussi. Eux aussi, ils ne savent pas, hein, parce qu'après, lui-même, il ne sait pas. Dans la sept, comme je dis, avec ce qu'on faisait, on ne faisait rien d'occulte. C'était pas nous, par exemple, voilà, les enfants, on n'allait pas faire des choses occultes directement. C'est nos familles, eux, ils savent là-haut ce qu'ils font, en fait, comme dans toutes les sectes. Donc, tout ça, voilà, lui aussi, il a hérité de tous les trucs de ses parents, de sa famille. Et il fallait que ce qu'ils ont planté en nous se rencontre, au fait, pour épouser. Voilà. Donc, il rigole, lui, il rigole que, voilà, il explique comment cette tactique de séduction, comment il fait, voilà, et comment il m'a séduit, voilà, il rigole, il fait son sourire, il fait son sourire charmant, que c'est comme ça le sous-marin fait. Parce que lui, pendant que moi je faisais ma perversité sexuelle, tout ça, lui aussi de son côté, depuis toujours, il se maintenait intact, pur quand même, pour sa femme et tout ça. Mais lui, son obsession, il m'a toujours avoué, après son obsession, c'était comment découvrir toutes les méthodes possibles pour arriver pour la perfection sexuelle. Et lui, il cherchait ça de son côté. Il faisait des recherches, il lisait des livres, sur la position sexuelle, tout ce qu'il faut pratiquer au lit, tout ces trucs. Là, il a quel âge, lui aussi? Il avait 19 ans. Donc, au lieu de se concentrer sur les études, il cherche des positions sexuelles qui vont vraiment être parfaites pour une femme. C'est quand même terrible, pas vrai, la génération que nous avons. C'était son l'ordre qu'on lui a donné à lui, ça, au fait. Voilà. Maintenant, je vais glisser par rapport à cela dans les approches dont vous êtes... Enfin, tu dois connaître tout cela, les approches psychanalytiques néo-freudiennes et freudiennes. Quand tu dois connaître bien ces choses de Sigmund Freud et peut-être même de Jones, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton cas, dans ta façon de faire, de fonctionner? Est-ce que dans quel cas tu te trouves dans cette psychanalyse-là? Je comprends pas trop de quoi tu parles. Il parle dans les approches psychanalytiques dont on parle chez Freud par rapport à l'enfant, par rapport à la découverte sexuelle de l'enfant, dès le départ, les prédispositions, la découverte tout autour avec la famille et le parent, en proche parent et puis la sociabilité. Qu'est-ce qui a fait dans ton cas pour que tu sois orienté comme ça, d'après ces deux approches-là? Moi, je me suis dit, c'est la perversité sexuelle de mon père, toutes ces pratiques occultes qui ont infiltré des choses en moi occultement. Absolument. Moi, c'est... Donc, il n'y a pas de... Oui. Aucun enfant normal que Dieu ait créé sans qu'on injecte des choses comme ça en lui d'une manière ou d'une autre ne peut grandir comme ça. Nos parents, je ne pense pas qu'ils ont grandi comme ça. Ma mère, même malgré tout ce qu'elle dit et tout ça, ma mère a toujours quand même à mon niveau été toujours une sainte quand même. Elle n'a connu que mon père, juste. Et puis c'était le seul homme de la vie. Et mes parents, comme ils parlaient quand on était petit, les mamans et tout ça, quand ils parlaient de tout. Vraiment, des fois, nous, ils ne se rendent pas compte. Mais ils ne savent pas l'effet que ça peut faire sur les enfants. Mais aussi, que s'ils ont eu des pratiques, des trucs bizarres aussi, ils auraient dit. Parce que les choses normales qu'ils faisaient là, ils disaient, ils parlaient de ça avec leur mari, avec les trucs là et tout. Et ma maman, par exemple, à un moment, elle racontait parce que mon père, voilà, il a initié à regarder les films porno. Elle ramenait les films porno à la maison, il regardait. Oui. Et il amenait ma maman pour regarder ça et tout. Ma maman, après, elle racontait comment elle rigolait. Elle disait, c'est quoi ce truc, cette bestialité-là? Si tu vois les bestialités que les blancs, ils font, et que les blancs, ils sont sales, que les trucs que mon papa ramène là. Donc, elle raconte ça, elle, les mamans, là, et tout ça. Comment, même apparemment, dans les films porno, là, il y avait même le cheval qui couche avec la femme, ou je ne sais pas. Elle raconte, elle raconte tout. Elles font les discussions, elles ne se rendent pas compte. Moi, je vois à côté. Mais moi, j'étais con. Au fait, elles ne se rendent pas compte qu'on écoute. Mais c'est moi qui, mon oreille était là. Et tout ce qu'elles racontaient entre elles, ce n'était pas comme si elles nous mettaient là pour nous raconter, non. Oui, oui. Malgré le jeu, votre intérieur, les oreilles sont là pour capter et ça enregistre à l'intérieur. Et ça pousse à la curiosité. Exactement. Je ne ratais rien. J'étais justement, quand elles se regroupaient, elles sont en train de parler. Là, j'étais toujours justement en train de tourner autour, incrustée. Je savais donc qu'il y avait des choses à entendre là. Elles doivent encore avoir leurs histoires là et tout ça là. Que j'avais envie de vouloir écouter en fait. Que par exemple, ma petite soeur, je sais qu'elle ne traînait jamais dans les pattes des mamans. Elle était tout le temps casse, comme on dit là. Elle est dehors, elle traîne, elle joue seule, elle ne se traînait même pas, elle n'était jamais dans les jupons de ma maman. C'est moi qui étais la grande qui était, voilà. Donc, je n'ai pas entendu, je n'entendais pas tous les trucs de perversité là, dans les trucs de maman quand elle parle. J'ai cette conviction en moi que c'est pas naturel comme on nous a enseigné intellectuellement. Oui, parce que intellectuellement, justement, avec toutes les approches, toutes les études qu'on a faites, que ce soit théorique ou bien empirique, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait et développé dans les livres, personne ne veut voir l'aspect spirituel. On voit seulement des choses de cause à effet par rapport à notre environnement, l'entourage de l'enfant, les pères et puis des ceux de la société, l'influence des médias, mais ils ne voient pas les esprits derrière. Non. Ils ne voient pas tout ça. Oui. Qui ont monté les origines, qui ont remonté les origines de d'où, tout ça vient là où on en est aujourd'hui, là, dans la société. Comment ils ont commencé à introduire petit à petit les lois et des programmes sexuels dans l'éducation des enfants, la théorie des genres, depuis une société. Voilà, c'est ça. Comment c'est venu, comment c'est des pervers sexuels qui ont commencé dans les années, je ne sais pas combien, à faire tout leur pratique, truc là, et à commencer à dire que oui, que tout le monde fait ça, que tout le monde fait ça, alors que personne ne pourrait s'imaginer, parce que quand tu entends ça, tu es choqué. Quand tu entends et que tu vois, tu es choqué en premier, ça veut dire que ça ne peut pas être naturel. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on n'est pas choqué quand on mange, on n'est pas choqué quand on fait pipi, enfin, je ne sais pas. Donc, petit à petit, ils ont introduit ça dans le subconscient des gens pour amener ça à l'école. On a enlevé la morale, il faut étudier maintenant la sexualité à l'école et tout ça. C'est juste pour injecter petit à petit le venin. C'est rien de normal et qu'on se développe normalement comme ça, non. Voilà. C'est terrible, ma soeur, c'est terrible. Bon, là maintenant, nous trouvons à l'âge de 19 ans et jusqu'à là, tu n'as pas encore connu d'homme. Non. Mais dans tes pensées, tu es déjà dévié dans tout ton corps. Oui. Mais voilà, on va dire, j'étais vierge physiquement. Et donc, voilà, avec mon nouveau petit ami là, je suis allée à l'étape de tout. Sauf toujours, je restais vierge physiquement. Voilà, on était dans cette secte où, voilà, justement, personne ne savait, ne pouvait s'imaginer notre perversité sexuelle. Donc, petit à petit, j'ai compris en fréquentant les autres et tout ça, aussi que, au fait, c'était comme ça. Donc, je me disais, ah, d'accord, donc c'est la norme, au fait. Donc, finalement, je ne trouvais plus rien de mal, au fait. Et puis, il y avait quelque chose qui sortait de temps en temps entre les jeunes. Oui, mais, ils savent très bien, ils disent ça, mais ils savent très bien que, on peut pas rester, on peut pas rester vierge aussi longtemps, on ne peut pas s'empêcher des relations sexuelles, ils savent très bien, donc voilà. Mais aujourd'hui, oh Seigneur, c'est là qu'on sait que voilà, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, bien sûr que tu peux te passer de toute impudicité, de tout, et te garder pur. Oui. Mais là, on parle de Dieu, on parle de, comme je dis, il y a beaucoup de cette idée, on te dit tout ce qui est normal, que de Dieu, mais pourquoi ils ne le faisaient pas? Pourquoi personne, pourquoi les hommes étaient toujours méchants et mauvais? Les femmes étaient toujours médisantes, envieuses, des méchantes, enfin, on te retrouvait tout ce qui n'est pas de Dieu dedans, en fait. Mm. Voilà. L'orgueil, l'envie, enfin, voilà, tout est péché. Oui. On prêche l'amour altruiste, on prêche l'amour de la nature, on prêche qu'il faut purifier le monde spirituel, nous purifier de nos souillures, nous purifier des impuretés sexuelles. C'est pas bon d'avoir des impuretés sexuelles. On prêche que l'avortement, c'est pas bon. Et si c'est pas bon, rien n'est bon, on prêche tout ce qui n'est pas bon. Mais derrière, on fait tout ça. On fait tout ça. Donc, personne n'est convaincu de quoi que ce soit. Donc, c'est que du mensonge. C'est pas, voilà. Bon, à quel moment donc tu commences à entrer dans ce monde-là, le monde de la perversion sexuelle au plus de plus profond, de plein pied, au plus haut, toutes tes barrières tombent? Mais là, une fois que mon copain là, il m'a initié à tout ça, c'est fini. À part, comment dire, à mes 18 ans là, à partir de mes 18 ans, mes 18 ans, mes 19 ans là, c'est bon, j'ai plus aucune barrière à part ma virginité physique qui restait, je faisais tout, comme je l'ai dit, on pratiquait tout, enfin, plein d'actes sexuels abominables, comme je dis, tout cela, pour se faire plaisir, sexuel, là, ou je ne sais pas comment on dit, ou les bestialités, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, il m'a initié, j'ai découvert qu'on pouvait faire tout ça et sans pénétration, donc j'avais pas de risque de tomber enceinte. Et puis pour moi, de toute façon, maintenant, comment lui m'a touché, tout ce qu'il m'a fait, tout ce que je faisais au lit, c'est seulement avec lui. C'était mon mari déjà, moi, dans mon cœur, c'était scellé. Et mes parents, petit à petit, ma mère était mise au courant, j'avais 19 ans, il venait me voir à la maison, mais on a caché ça, mon papa et lui aussi, sa maman était au courant. Et c'était, j'essaie de vivre juste son petit ami légitime, voilà, et lui aussi. Et on a continué comme ça. Puis après, moi, je suis venue faire mes études en Europe. Puis aussi, lui aussi, il est venu après. On s'est rejoint ici, on a continué dans la secte, on persévérait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais nos vies, à côté, se dégradaient. Comme moi, j'ai raconté ma vie dans le témoignage, comment tout se dégradait. Oui. C'est pareil, pourquoi on ne s'en sortait pas, on devenait vraiment... Les problèmes s'empiraient aussi dans sa famille, qui était une grande famille bourgeoise, qui tout. Oui. Des problèmes, voilà, c'est leur vie, ça. En tout cas, nous deux, on est restés ensemble, liés. Oui. Il n'y avait rien qui... Tout le monde, aucun couple qu'on connaît de notre âge n'a jamais tenu. Moi, je suis venue ici un an avant lui. Oui. J'ai été séduit. Une à deux fois de le tromper, j'ai vite arrêté tout de suite. Au premier, même pas, j'ai arrêté. Oui. Et je l'attendais, il est venu après, voilà, c'était l'homme de ma vie, je suis la femme de sa vie, on a continué comme ça. Donc on avait notre vie, on était en couple normal, quoi. Oui. Et on persévérait dans la secte là, et puis lui, il était dans le groupe des jeunes de la secte avec des responsabilités. Moi, j'ai refusé le groupe des jeunes depuis l'Afrique parce que dès que j'ai commencé, je voyais que quand, malgré tout, ils étaient à un niveau inférieur à moi, j'ai essayé de participer à un camp pendant une semaine. Ils m'ont, on va dire, saoulé avec tous leurs faux trucs là. Enfin, je sais pas, j'ai pas adhéré, j'aime pas qu'on me donne des ordres. C'était comme je dis, un truc de formation militaire, vous levez à 6 heures, vous faites des si, on doit manger bio. Moi j'étais bien. Toutes nos familles en venant là-bas on mange bien, on était vraiment pourri gâté, mais là on nous apprend à se préparer au cataclysme. Mm-hmm. Apparemment, ils font dans des camps internationaux, des fois ils font dans des camps dans les brousses, on les réveille. Peut-être à 6 heures du matin ou à 2 heures du matin, on dit ça y est, il y a le feu, il faut débarrasser le camp. Enfin, ils font leur truc là, comme les scouts là. Oui. Moi, j'ai fait ça une semaine là-bas, un seul camp, ça m'a fatigué. La première formation de la première étape, je l'ai abandonnée. Le responsable du jeune, il m'a supplié, il a tout dit. J'ai dit non, moi, je veux pas ça. Donc, C'était pas imposé, obligatoire. Mais il fallait quand même être fort ou fort quand tu es un jeune pour ne pas le faire. Il y avait à peine un ou deux jeunes qui venaient, qui n'étaient pas dans le groupe des jeunes. Donc, tous ceux qui venaient de mon âge et tout ça, tout le monde était dans le groupe des jeunes. Donc, moi, j'ai pas continué. J'ai continué à faire la pratique normale comme les grands normalement. Je participais pas à les activités de jeunes. Voilà. Et à quel, voilà. À quel moment, et finalement, tu t'es finalement mariée avec lui? Oui. Donc, Et avec celui de le jeune de quoi, du lycée, là, tu l'as jeté très loin? Oui, dès le début, j'ai pas fait semblant ou quoi, je ne l'aimais plus, je suis tombée amoureuse d'un autre, donc c'était fini, depuis là, avant que je commence avec, avant même, parce que on a fait un voyage ensemble, tout le groupe et le camp et tout ça, quand on est revenu de ce voyage, j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est celui-là, je ne veux plus l'autre, et je suis allée le voir, je lui ai dit, je ne l'aime plus, je ne veux plus et tout ça, j'ai tout dit. Par contre, j'ai pas... J'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais j'ai dit je ne l'aime plus. C'est bon, voilà, c'était fini dans mon cœur. Et, voilà. et tu l'as fait pleurer comme ça? Ouais, je l'ai fait beaucoup souffrir. Et il m'a beaucoup, comment dire, hanté dans mes rêves. Avant qu'on ne continue, je vais vous poser une question. Les parents qui ont les enfants, chez vous en Europe particulièrement, qui laissent les enfants au su, au fur et tous, et il y a des proxénètes, il y a beaucoup de choses concernant la pornographie des enfants, la pédophilie, ainsi de suite, qui est développée vraiment aujourd'hui. Pourquoi donnes-tu ton témoignage maintenant? Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent? Que les gens prennent soin de leurs enfants, que les gens s'occupent de leurs enfants, qu'ils se préoccupent des besoins de leurs enfants. Parce que moi, je sais que tout ça a été injecté en moi parce que la haine, et petit à petit, c'était un peu de la haine petit à petit envers mon père. Je ressentais des choses spirituelles. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, petit à petit, la souffrance des enfants depuis petit agit en eux et l'ennemi trouve les portes ouvertes pour pouvoir les posséder, les utiliser au fait. Parce que voilà, une fois que les enfants commencent à développer de l'animosité, de la colère, trop de souffrance, c'est la porte ouverte à l'ennemi pour les dévaster. Et donc, c'est la destruction de la cellule familiale qui amène tout ça. Oui. Je suis persuadée de comment je suis et de comment j'étais dans mon cœur depuis petit. J'aurais eu une famille, un père vraiment... Comme j'avais la perfection dans la tête, là, un père modèle qui aimait sa femme, qui se préoccupait de ses enfants, j'aurais pas développé tous ces trucs en moi. Et je suis sûre que c'est tout ça qui a mené parce que, il n'y a rien de plus important que la famille, quoi. C'est laisser nos enfants pour poursuivre les choses de ce monde, les biens de ce monde, et puis laisser les enfants, à d'autres personnes pour les éduquer pendant que nous-mêmes on n'a même pas le temps, alors que les enfants n'ont besoin que de leurs parents en fait. Oui, mais comment faire avec ces parents au foyer brisé et puis toutes ces femmes-là qui à tue-tête cherchent de l'argent au détriment de l'enfant qu'elles ont eux-mêmes accouché? Comment faire? Sans remettre à Dieu de moi. Sans remettre à Dieu venu à Jésus-Christ. Parce que à ça, je ne sais pas comment on peut être libéré de tout ça. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui libère. Oui, mais il y a même les pasteurs qui passent les femmes des pasteurs qui passent le temps dehors, les soeurs en Christ, puisque nous parlons des chrétiens là, qui passent aussi le temps dehors, particulièrement en cherchant aussi les babysitters, d'autres qui sont des babysitters qui sont des lesbiennes, pour d'autres encore sont des satanistes. Oui, des satanistes qui initient les enfants au. Pas derrière. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, puisque moi, dans ma secte, je transmettais la lumière aux enfants des riches que je gardais ici en Europe pendant qu'ils étaient. Voilà. Et ils ne savaient pas? Non. Et quand ces enfants vont grandir, ils seront sous l'influence de cet esprit-là plus tard? J'en sais rien. Je ne demande pas. Je m'en suis repentie. J'étais ignorante. Oui. Le Seigneur est libre. Et c'était des enfants, de toute façon, voilà, c'est tout le temps, c'est des enfants dévastés qui ont besoin de leurs parents, que moi, et que moi, voilà, j'essaie de leur donner l'amour, de leur faire le bien, que heureusement encore, enfin, voilà, c'est heureusement, malheureusement, j'étais pas la mauvaise personne, enfin, de nouveau va les maltraiter ou leur faire subir des sévices plus graves, va savoir ce que les enfants peuvent subir dans les mains des gens. Et même moi-même, j'ai déjà, voilà, avec des ménagères, vécu des choses qui m'ont traumatisé. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux parents qui vivent? Parce que là, nous voyons effectivement qu'à plusieurs étapes, et il y a des parents qui prennent des dispositions pour garder les filles entre elles dans la maison. Il y a des pièces, il y a des chambres spécialement pour les filles, puis des garçons entre eux. On voit que les garçons entre eux se masturbent, les filles entre eux se font des attouchements. Donc, juste là, ce n'est pas épargné. Lorsqu'on mélange les enfants garçons et filles entre eux, là également, ce sont des attouchements et puis de l'inceste. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh là là. Vous habitez avec les voisins, c'est comme le ton mari Ibola qui amène une autre femme à la maison. Vous amenez un enfant à vivre avec un oncle quelque part, c'est l'oncle qui la touche, qui fait les attouchements chaque fois, qui pour d'autres encore viole l'enfant. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, ma chère sœur? Faut se repentir, vraiment revenir. Franchement, laissez-moi, en tout cas, moi j'ai tout à ce que le Seigneur m'a fait quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a montré vraiment. Je me suis repentie, j'ai tout abandonné. Ça fait 2 ans que je suis à la maison, je m'occupe de mon enfant, je me contente de ce que j'ai. J'ai abandonné la recherche et la poursuite des richesses de ce monde. Oui. Mes copines, toutes mes copines qui sont devenues toutes des grandes ingénieurs, des grandes ci, des grandes ça, je les vois comment elles sont dans des détresses pas possibles. J'ai pitié d'elles parce qu'elles ont tout, les grosses voitures, les grosses maisons, font tout. Mais elles sont tout le temps en train de se plaindre parce qu'on ne s'en sort jamais. Parce qu'une fois que le plan de Dieu a été changé, on ne peut jamais trouver le bonheur dans tout ça. Le bonheur pour une femme, moi je l'ai découvert aujourd'hui, franchement, c'est de rester à la maison, s'occuper de sa famille, de son enfant, de ses enfants, de son foyer, de son mari. Oui. Et même mon propre mari n'arrive pas à comprendre ça, mais il ne peut pas comprendre de toute façon parce qu'il n'est pas en Christ comme moi. Mais il n'y a plus rien qui va me détourner, moi, du plan de Dieu maintenant. Parce que quand tu es délivré, quand tu sais de quoi le Seigneur t'a délivré, que je peux avoir la grâce d'avoir la vie, de vivre jusqu'à ce que le Seigneur me montre la voie sur laquelle j'étais. Si on ouvre vraiment les yeux à tout le monde pour voir, vraiment, je crois que tout le monde a couru, il laisserait toute la poursuite du vent de ce monde. Oui. Mais bon, ça, c'est que c'est le Seigneur qui le fait, qui le décide. Donc, il y a d'autres sœurs qui vivent maintenant avec des enfants, certainement, peut-être à l'issue d'un mariage cassé par la suite des divorces. Il y a d'autres qui ont eu des enfants à l'issue de la vie de fornication et qui se trouvent en Europe et dans d'autres pays, qui sont obligés de sortir pour aller chercher de l'argent pour pouvoir nourrir ces enfants-là. Laissant les enfants, leurs propres enfants à la maison pour s'occuper des enfants des autres, dont leurs enfants, leur propre progéniture au détriment des autres. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ma chère sœur? Elles doivent se mettre au pied du Seigneur. Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, je me suis mis au pied du Seigneur, parce que quand tu ne vois pas la solution, je ne sais pas, je n'ai pas de conseil direct à verser comme ça, que le Seigneur, si elles aiment vraiment le Seigneur, si elles aiment vraiment Dieu, vraiment, qu'elles se mettent au pied du Seigneur, que le Seigneur les délivre de tout ce qui est un peu fait, tout ce qu'elles font dans leur vie qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis convaincue que le Seigneur, il a toujours la solution. Quand on veut lui plaire plus que tout, et on s'en remet à lui. Il dispose tout, parce que voilà, c'est ça, moi, je sais, j'en connais qui sont toutes seules et qui doivent bien travailler pour s'occuper de ses enfants. Moi, comme je dis, voilà, la société est tellement déjà dévastée que tu peux pas aller confier ton enfant à quelqu'un. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas quoi. Mais moi, là où je suis, de toute façon, j'attends que de rejoindre mon mari, si je dois le rejoindre pour être vraiment dans la volonté du Seigneur, si c'est lui qui doit revenir. Je mets tout parce que c'est tellement compliqué après maintenant ma vie, mon mariage et tout ça. Oui. Mais le Seigneur m'a fait la grâce aussi que ce mari, il m'a suivi, il est sorti de cette secte. Il m'a suivi. Oui. J'ai juste demandé au Seigneur, quand il m'a libéré, j'ai demandé au Seigneur vraiment, si c'est cet homme que c'est l'homme de ma vie, alors il le délivre de cette secte et il vient au Seigneur avec moi. Mais si c'est pas lui qui m'en éloigne de moi. Oui. C'est la prière que je fais dans le secret. Parce que quand j'ai découvert le Seigneur, je me suis libérée. J'ai voulu vraiment être violente, me rejeter d'un coup, mais le Seigneur m'a repris. que non, c'est pas de cette manière qu'il faut faire. Effectivement, je me suis mis au pied du Seigneur. Mais par contre, quand j'ai découvert, le Seigneur était toujours dans la fornication. Enfin, selon le monde, parce que voilà, avec tout maintenant, je sais que lui et moi, on était liés là. Oui. Mais j'ai tout arrêté, hein. Pendant un an, je lui ai dit, maintenant, c'est la vie que je veux, maintenant, on n'est pas marié. Je veux arrêter toutes nos relations physiques, tout, pendant un an. Enfin, jusqu'à ce que on puisse, notre situation administrative puisse se régler pour qu'on se marie. Oui. Et il a accepté pour mon frère. Oui. Et il est sorti de cette, et il a commencé à aller à l'assemblée avec moi où j'allais, en fait. Oui. Donc, le Seigneur disposait toutes choses de telle façon que tout ce que je voulais, il le fait. Le Seigneur est puissant. Quand il est avec toi, tout ce que c'est que cet homme-là a tout fait pour moi, il a réuni aussi sa famille à un moment. Sa famille, sa maman a dû revenir à lui un peu, à elle un peu, a compris qu'il le perdait pour laisser tomber, pour nous laisser tomber, au fait, pour nous. Ils ont arrêté de vouloir le ramener à la secte et moi aussi de me persécuter. Ils savaient que sinon ils perdaient leur fils. Donc, il était avec moi. Et il est toujours avec moi, en fait. Voilà. Et sauf que je n'étais pas dans la vérité quand j'ai connu le Seigneur. Donc, on était quand même, il y a quand même dans notre vie mondaine, là, avec tous les convoitises du monde. Et que c'est maintenant que j'ai vraiment découvert cette fois-là, la vie de Jésus-Christ. Oui. Et donc, maintenant, je l'ai abandonné sur cette voie. Mais c'est mon mari, c'est le père de mon enfant. Je suis au pied du Seigneur pour le reste, pour tout le reste. Voilà. Voilà. Ma sœur, dans ton témoignage, nous commençons à l'âge de 3 ans où tu connais déjà sans savoir comment cela est venu, les intimités sexuelles, les débats, les ébats sexuels. Maintenant, ouais. Avec le recul, ou bien avec le recul. Non, parce que non, c'est pas quelqu'un ou bien c'est pas le Seigneur, lui il est déjà parfait. J'ai pleuré au pied du Seigneur comme ça, comme quand il y a 8 ans ou 9 ans, j'ai pleuré à son pied pour qu'il se révèle à moi. Pareil, j'ai pleuré, j'étais au pied du Seigneur, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Surtout que je suis dans le domaine de la petite enfance, j'ai travaillé dans un centre des enfants placés par la justice, des enfants dévastés, je m'occupais de ces enfants, que je laissais ma propre enfant dormir la nuit, et je faisais j'ai amené ça ici avec son papa ou avec une amie que j'avais ici qui la gardait et je faisais on tourne comme à l'hôpital dans les centres là des enfants en fait. Je faisais des gardes de nuit et tout ça, je travaillais des heures pas possibles. Et je commençais à pleurer, je disais, mais qu'est-ce que, moi qui arrive à s'occuper des enfants des autres et tous les enfants que j'ai gardés, les gens, toujours, tous les enfants sont toujours attachés à moi, les parents même bien parce que je m'occupe toujours bien des enfants des autres. Oui. C'est où est-ce que j'ai raté le mien, tout ce que je vois les enfants des autres faire. J'ai dit, moi, je t'appartiens, moi, je suis un enfant de Dieu, moi, j'ai Jésus-Christ. C'est pas possible que mon enfant ait les choses que je voyais à l'assemblée aussi. Comment les enfants des autres tournaient à l'assemblée, ça ne me plaisait pas parce que j'avais cette conviction en moi que c'est pas possible quand on est enfant de Dieu, ça doit être différent, en fait. Ah, absolument. J'avais cette conviction en moi, mon frère. Et donc, et c'est ça, je pleurais, je disais, où est-ce que j'ai foiré, mon Dieu, de me monter, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari m'était là, il me consolait de loin, il disait, mais ne t'inquiète pas, t'es une mère parfaite, tu t'inquiètes pas, voilà, il me consolait, mais ça ne me convainquait pas, je disais, non, et je pleurais jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me regarder petit à petit. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller sur Internet, de taper, effets de Disney, les effets ou bien, je ne sais plus ce que la phrase exactement, mais j'ai tapé les conséquences ou les effets de Disney sur les enfants. Oui. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et je suis allée taper sur Internet. Et là, j'ai commencé à avoir plein de... Comment ces entreprises-là font les perversions occultes dans les dessins animés sur les enfants? Ouais, et sur des sites païens. Hein. C'est-à-dire que c'est des... tous les premiers trucs que je vois, c'était des sites païens. Et ça m'intéressait, je disais, waouh, c'est ça. Jusqu'à, je trouvais même eux-mêmes, des grands acteurs de Hollywood et tout ça, faire des films et faire des films sur le fait de tout ce qu'ils font à Hollywood, là, sur les enfants. Comment eux faire des reportages pour montrer comment eux préservaient leurs enfants de tout ça. Et comment eux-mêmes, leurs enfants ne regardaient même pas ce qu'ils faisaient. Je fais, mais c'est quoi ça? Et petit à petit, c'est comme ça que je suis tombée sur Jésus-Christ TV. Et alors, je suis vue. Donc, c'est dans ces recherches pour mon enfant, pour ma famille, pour le bien de mon enfant que je disais, parce que j'avais cette conviction que je suis un enfant de Dieu et que mon enfant ne peut pas être comme tout le monde. Et donc, c'est comme ça, voilà, ma quête a commencé. Je commençais à découvrir la vérité, à me débarrasser de tout. Et, tout petit à petit, De fait, malgré tout, comme j'éduquais quand même ma fille, malgré tout, comme je pensais d'enseigner, même j'étais enceinte, j'étais tout le temps avec les louanges, je priais, j'étais bébé, je prie toujours. Voilà, comme je pensais faire déjà, il y avait quand même cette voie, parce que je, même ici, malgré l'ignorance dans laquelle j'étais, je faisais tout. Le Seigneur me préservait de beaucoup de choses. Oui. Que j'avais une vie droite et je ne me mêlais pas, je ne faisais pas tout et n'importe quoi, je respectais les règles, je ne fréquentais pas n'importe qui, j'évitais les problèmes. Donc j'ai déjà éduqué mon enfant petit à petit, donc ça n'a pas été compliqué, je lui ai expliqué les choses, là c'est pas bien, tout ça et tout, c'est pas de Dieu, machin. Petit à petit j'ai enlevé tous ces trucs de la vie de mon enfant, elle-même, elle est en paix. Mmh. Mon enfant m'a dit une fois, maman, pourquoi quand j'étais petite tu me mettais la reine des neiges, c'est parce que tu ne priais pas Jésus, mon enfant m'a dit ça. Ça t'a choqué également? Ça m'a choqué. Mmh. Et elle m'a dit, quand tu me mettais la reine des neiges, j'avais les sorciers qui venaient dans mon lit. Et il y avait le loup aussi qui venait dans mon lit la nuit. J'avais peur. Elle me raconte ses cauchemars. Elle m'a raconté toutes ces choses qu'elle vivait. Petit à petit, plus j'ai commencé à me débarrasser dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai arrêté la télé, les séries américaines. J'étais, voilà, encore autre chose. Voilà, les séries américaines et hollywoodiennes. J'étais accro. Je regardais tout ce qu'il y avait au monde de perversité, d'horreur, de tout là. Je connais tellement le monde des ténèbres dans ça là. C'est terrible. Donc, voilà, c'est terrible. J'ai arrêté tout ça, regarder la télé le soir, je venais, je priais avec ma fille, on s'endormait, on lisait la Bible. Petit à petit, elle a retrouvé la paix, ma fille s'est calmée, maintenant elle est épanouie, son papa même y voit. Mais bon, des fois, il y a beaucoup de choses, c'est pas avoir besoin de ma fille. Je ne sais pas comment je retrouve beaucoup de choses de moi quand j'étais petite en ma fille. Oui. C'est-à-dire que je ressens très vite la quête qu'elle a, que j'avais, que je ne trouvais pas en fait, oui. Parce que mes parents n'étaient pas dans la bonne voie. Oui. Et j'essaie d'éduquer dans cette voie-là, dans ce à quoi elle aspire au fait. Oui. Donc maintenant, tu as compris effectivement que l'erreur que tes parents ont faite et que tu as eu à aller ça et là dans ta vie, tu as compris effectivement et rectifié rapidement le tir. Que ton enfant ne traverse pas cela. Oui, et avec le Seigneur, en restant toujours au pied du Seigneur pour qu'il m'aide à tenir bon. Oui, jusqu'au... dans Proverbe chapitre 1, le verset 8 et 9, la Bible déclare aux enfants d'écouter l'enseignement de leur maman et ne pas quitter les instructions de leur père. Mais aujourd'hui, les femmes chrétiennes, et avec l'émancipation du modernisme qui a aussi touché le corps de Christ, les gens ont compris maintenant qu'il faut que les femmes s'exposent et s'explosent pour pouvoir être vues dehors avec le standard humain. Alors que la Bible lui donne carrément la place à la maison pour pouvoir s'occuper de ces enfants-là, pour que les enfants en grandissant gardent la crainte du Seigneur. Comme le Proverbe chapitre 22 dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et dans le titre chapitre 2 particulièrement, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, la Bible déclare verset 3 que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Donc, elles ont de bonnes instructions à donner. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Maintenant, elles sortent plutôt pour aller chercher de l'argent. Elles s'occupent des enfants des autres, laissant leurs propres enfants au loup. Et je veux par ici donc, profiter de ton témoignage pour dire aux femmes qui nous écoutent maintenant que aucune personne. Dieu ne viendra pas demander l'éducation de leurs enfants à l'école. Parce que pour l'école, ils ont déjà des programmes de perversion de nos enfants. D'autres, on installe les enfants, d'autres portent encore carrément les enfants pour aller les installer, inscrits dans les clubs de karaté pour pervertir davantage des enfants. Voilà. L'enfant est perverti à l'école, il rentre, il est perverti au sport. Et les enfants grandissent maintenant avec la rébellion qu'on voit en Europe. On est surpris et on commence à chercher maintenant les psychologues pour pouvoir redresser l'enfant. Ils ne comprennent pas que c'est dès le bas âge qu'on a raté la chose. Il faut revenir au Seigneur. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, c'est ça. C'est ça, moi, le Seigneur m'a conduit à ça. Et m'a par l'amour du Seigneur, par l'amour pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne vois rien d'autre que de rester chez moi, m'occuper. Être dans la volonté du Seigneur, dans la volonté de ce que le Seigneur attend d'une femme. Point. Il n'y a rien d'autre à faire que j'ai besoin de faire. J'ai tout abandonné, j'étais dans le grand monde, j'avais une vie mondaine, les grands projets, j'ai tout abandonné, j'ai la paix aujourd'hui, vraiment. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont toujours pas. Tout ce que je peux moi-même, que je peux remettre en ordre, j'ai remis en ordre devant le Seigneur. Oui. Tout ce qui est compliqué, que les pièges dans lesquels on est dans la vie à cause de nos ignorances passées, oui. Je me laisse dans les mains du Seigneur parce que je suis convaincue qu'il sait ce qui est bien pour ses enfants et il les conduit dans cela. Et voilà. Ma soeur, d'autres parents pensent que, d'autres personnes qui éduquent leurs enfants pensent effectivement comme les gens. Le cas de ta fille, Andy Long, elle dit, lorsqu'elle était petite, tu mettais ces tintins-là, les sorciers venaient dans sa chambre. En ce temps-là, elle ne pouvait pas te parler. Mais cela a également marqué son esprit jusqu'à maintenant, comme ta relation sexuelle de l'âge de 3 ans t'a marqué jusqu'à ton âge adulte. Donc les tintins, les séries télévisées que nous mettons à nos enfants ont de l'impact négatif dans leur vie. Puisque les esprits, il y a des images subliminales qui sont projetées avec pour but occulte pour initier nos enfants. Donc voilà les enfants qui grandissent. Ouais. Certains parents achètent des PlayStation à leurs enfants pour qu'ils ne dérangent pas. D'autres mettent carrément leur chaîne de télévision et leur salle de vidéo où ils partent jouer pour pouvoir endoctriner l'enfant. Parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'enfant. Maintenant, d'autres personnes également, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'occuper les enfants avec des choses du monde, distraire les choses du monde, payant l'éducation à l'enfant, payant les distractions, ainsi de suite. Est-ce que c'est la bonne façon d'éduquer les enfants? Non, absolument pas. Moi, non, absolument pas. Le Seigneur conduit. Absolument pas. C'est la destruction à bas âge, petit à petit. La preuve, c'est simple. Hein? Déjà, il faut voir, déjà, nous, nos générations d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, regarde comment déjà ce qu'on est devenu, malgré l'éducation que nos parents nous donnaient à cette époque, la plupart, voilà, des femmes de mes générations, quand je les vois s'habiller, je suis dépassée parce que moi, heureusement, comme je dis, j'étais trop parfaite, je me trouvais trop grande dame. J'avais toujours cet aspect extérieur là, très sobre, très décent, jusqu'à mes 18 ans où j'ai rencontré le monde, où j'ai essayé de me, j'ai rencontré le monde, voilà, le nouveau monde mondain où j'ai essayé de me, comme je l'ai dit, je me suis dévergondée un peu, mais sans plus. Pour moi, quand je dis un peu, je mettais des tailleurs, des jupes, voilà, je m'habillais comme une grande dame. J'ai commencé à mettre des pantalons sexy, des trucs comme ça, mais sans jamais me dénuder ou m'habiller vulgairement. C'est-à-dire que, voilà, il y a un niveau que je ne pouvais jamais me dépasser. C'était pas possible. Et là, maintenant, le Seigneur m'a ramené. Je suis revenue vraiment à revenir à la simplicité. Ça a été tout simple. Oui. Parce que moi, je m'habillais comme la reine d'Angleterre à 15 ans, au fait. Donc, j'ai toujours été conduite par ça. Et mon mari se moquait de moi par rapport à ça. Donc, et quand je suis en Afrique, même quand je rentre, je ne peux pas supporter un seul truc synthétique que moi, sur moi. Je suis toujours en pagne dans mes tenues traditionnelles de pagne. Je suis à l'aise comme ça. Je n'ai jamais était extravagante, excentrique. Donc, c'est vrai que peut-être, ça a été tout simple pour moi de revenir à la norme. Tout ce que j'ai fait, c'est pour convenir au monde, au fait. Donc, ça a été tout simple de me dire, oh non, c'est pas ça de Dieu et je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a donné la force, le Saint-Esprit te donne la force, si tu as l'Esprit de Dieu, de te libérer du monde et de son emprise. Simplement, que les gens ne soient pas d'accord ou pas, ils n'ont pas le sou de vie. Dans leurs mains, ni mon âme ne leur appartient pas. Donc, c'est plus précieux pour moi, ça, d'être dans la volonté de Dieu. Et laisser les enfants, les autres éduquer. Depuis, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est une grâce. Ça m'a permis la condition dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai arrêté mon travail. J'ai droit au chômage. En attendant, je suis au chômage en cherchant toujours à faire des activités qui vont avec, qui me donne le temps de m'occuper. Je dis, la seule, là, je suis dans le système, mon enfant est déjà à l'école, on n'a pas d'autres, tu ne peux pas l'enlever de l'école comme ça et tout ça, enfin voilà, elle est seule et tout. Mais seule, je l'amène, le seul moment où je la laisse dans les mains du système, c'est le moment de l'école. Pendant les vacances, je m'occupe d'elle, quand je vais le chercher, je m'occupe d'elle. C'est-à-dire que ma vie autour de mon foyer, de mon enfant. Voilà, je fais des activités avec elle. À l'école, par exemple, tout ce qu'on leur apprend, moi-même, je choisis déjà les livres de la maternelle et des trucs qui sont bien adaptés aux apprentissages et tout. Je fais avec elle, je fais des activités avec elle, des dessins, de la peinture, on cuisine ensemble, on fait le ménage ensemble. Je fais avec elle comme ma mère m'a éduquée, en fait, il y a des années, des dizaines d'années, pareil. Et même malgré que je vis en Europe, et je dis, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un mari qui travaille, qui fait tout pour l'instant. Et il est dans le monde, c'est vrai, mais il fait tout, voilà, notre bien, notre futur, voilà, et tout. Ben, je vais rester en dessous de lui. J'ai pas besoin, moi, d'aller encore travailler ou de quoi que ce soit. J'ai la grâce d'avoir un mari si, alors qu'est-ce que je dirais si, pour les femmes qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas le choix, si moi je peux me permettre de continuer à courir dehors, laisser mon enfant seul alors que j'ai un mari. Ouais, il y a des soeurs en Christ qui te répondront qu'il faut se préparer parce que demain le mari peut te lâcher. Voilà, ben le mari me lâchera, mais Dieu ne me lâchera pas. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est pas mon Dieu. Voilà. En tout cas, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 que c'est pourquoi qu'on prend toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Donc, et la Bible nous explique là qu'on a le combat tout autour de nous dans les lieux célestes où les esprits méchants sont là pour oppresser les hommes. Et tout autour de nous maintenant, tout autour de nous, sans exception, tout parle de sexe, tout parle de sexualité. Et depuis l'école jusqu'à aux publicités, tous les coins de rue parlent de sexe. Donc on est envahi à longueur de journée, dans la radio, dans les télévisions, dans les médias, dans tout genre de publicités, dans les métros, ainsi de suite, tout parle de sexe. Donc c'est une ère de sexualité à outrance dont il faut vraiment s'armer. Il est temps que les sœurs rentrent dans la parole de Dieu pleinement pour que leur cœur soit dépouillé afin que la vraie nature qui se révèle dans leur cœur puisse être mise au grand jour et exposer les puissances des ténèbres, revenir dans la sainteté depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur afin qu'elles puissent aussi, eux aussi, comprendre la parole de Dieu, être renouvelées dans leur esprit pour pouvoir conduire leurs enfants dans le Seigneur. Sinon, si elles ne sont pas pleinement dans le Christ, elles ne pourront jamais et à jamais conduire leurs propres enfants dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse pour ton courage et pour tout ce que tu as. Tu veux que les gens sachent dans cette terre-ci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Déjà, tu n'as pas peur de dénoncer le puissant des ténèbres comme ça? Oh non, mais mon frère, quand tu vois ce que le Seigneur t'a fait, la grâce que tu as fait, comme je dis à mon mari, je lui ai dit plusieurs fois, comme je dis, il y a un film qu'on était accro ici, qu'on a regardé longtemps, qui s'appelle Matrice, une série qui s'appelle Matrice. Oui. Cette série, c'est trois grands films cinéma. Et donc, elle est sortie en trois épisodes. Voilà. Et c'est le monde dans lequel on vit, mais en cinéma. Et comme j'ai tellement regardé le cinéma et les films, et je sais que, c'est-à-dire que le vrai monde dans lequel on vit, il nous le montre clairement, mais les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas. Mais Matrice, c'est que toute la terre entière est enfermée dans un faux monde, au fait. Et c'est les machines qui dirigent ce monde-là. Et à un moment, tu te déconnectes de ce monde. Quand on arrive à t'ouvrir les yeux, à te déconnecter de ce monde, les gens qui sont arrivés, c'est des parodies, hein, des choses de la fin des temps, des prophéties de la fin des temps, des publics, c'est des parodies. Mais les gens, donc on va dire comme justement ça s'appelle Zion. Et là où les gens vont se réfugier, ceux qu'on déconnecte, ils vont se réfugier. Maintenant, ils sont en dehors de la matrice. Et ils vont se réfugier pour rentrer dans la matrice. On te reconnaît avec des machines dans ton cou, il y a quelque chose là, on reconnaît la machine et tu rentres dans la machine et c'est un monde virtuel. Et les gens vivent, quand on voit la vraie vie normalement dans ce film, on croit que c'est la vraie vie. Là, c'est voilà notre vie là, au fait, c'est matrice. Et quand tu te déconnectes, là, tu vois que non. Donc, je suis en dehors de la matrice. Au fait, et dans le film, ils sont à Zion, sauf que comme c'est un film et c'est toujours diabolique. Et bien, Zion, il se passe tout, des choses aussi d'impudicité, de tout ça dedans. Mais au moins, et celui qui vient sauver les gens de Zion, il s'appelle Néo, il s'appelle l'élu. Donc, voilà, tu vois bien l'allusion à notre Seigneur, voilà comment il parodie, il blasphème. Donc, je dis à mon mari, je dis, voilà, tu ne peux pas comprendre. Je suis sortie de la matrice. Je sais d'où je suis sortie. Je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte de quoi que ce soit. Le Seigneur m'a délivré, m'a libéré. Je suis libre. Amen. Amen. En tout cas, puisse le Seigneur continuer la transformation et le renouvellement de ton intelligence et puis faire sortir aussi ses enfants par ces témoignages, par ton témoignage. Surtout, conscientiser les parents et les parents chrétiens en particulier dans cette, qui font partie de cette matrice, de ce monde illusoire à leur présenter par Satan et le système capitaliste institué par Satan pour pouvoir endoctriner et enchaîner les gens dans l'esprit des mammons. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée, que le Seigneur te fortifie.